éclair que tu ne vois pas, et le sursaut qui te bougera. Et le ciel a sauvé, couleur de la terre, mais que faut-il faire? Tu ne vois pas, et le sursaut, il te bougera.